بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons continuer donc la lecture et le commentaire du chapitre de la pudeur chez vous à la page 62. L'imam al-Bukhari rahimahullah, il dit babun إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Chapitre, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي ابن حراش قال حدثنا أبو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس ويجوز الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Et donc l'auteur Al-Bukhari rahimahullah, il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Abu Mas'ud qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, parmi les paroles qui sont parvenues, parmi les paroles, les premières paroles de la prophétie qui sont parvenues aux gens, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Parmi les premières paroles de la prophétie qui sont parvenues aux gens, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Ra'ayna sabiqan anna al-haya khuluqun 'azim. Nous avons vu précédemment que la pudeur est un caractère grandiose. يحمل المرء على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. C'est un caractère qui va pousser l'individu à faire le bien et à s'éloigner de toute chose blâmable. وهذا الحديث يؤكد ويوضح ما ذكرنا سابقا. Et ce hadith va confirmer et va éclaircir ce que nous avons vu et ce que nous avons cité précédemment. وقد ذكر العلماء في هذا الحديث معانٍ. Et les savants ont cité plusieurs significations quant à l'explication de ce hadith. فقالوا أولا هذا الحديث من باب التهديد. Ils ont dit premièrement, première signification, ce hadith signifie une menace. Si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. أي إذا نزع عنك الحياء هذا الخلق العظيم فاصنع ما شئت وستحاسب على ذلك. Et donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, ce caractère noble et grandiose, si tu n'as pas de pudeur, si la pudeur a été enlevée de ton cœur, alors fais ce que tu veux et tu seras rétribué par rapport à cela. C'est une menace. Comme on a dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il mécroit. Ceci aussi est une menace. Certes, vous serez châtié et vous serez rétribué en fonction de cela. ثَانِيًا الْخَبَرْ. Deuxième signification que les savants ont citée, une information. Ce hadith donc montre une information. إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتْ. أي إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَسَتَفْعَلُ مَا شِئْتَ مِنَ الشَّرِّ وَالْأَمْرُ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ أَيْ كَأَنَّ الْإِنْسَانَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ. Et donc dans ce hadith, lorsqu'il dit si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Certains savants ont dit ici c'est une information. Si tu n'as pas de pudeur, alors tu vas faire tout ce que tu voudras parmi les mauvaises choses. Si tu n'as pas de pudeur, tu feras tout ce que tu voudras. Mais certains peuvent se dire, mais ici c'est un ordre qui a été utilisé. Les savants ont dit, ici, l'ordre, fasnar meshit, alors fais ce que tu veux. Cela montre, c'est une information qui montre comme si cette personne, elle fait tellement le mal, c'est comme s'il lui est ordonné de faire le mal. Fasnar meshit, alors fais ce que tu veux. Et donc, c'est une information. Troisième signification, et thalith, El-Jawaz. Troisième signification, la permission. Idha lam tastahi, fasna ma shit. Si tu n'as pas de pudeur, ou si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Fa'idha lam tastahi min Allah, wa la min an-nas, fi fi'li amrin, fa'f'alou. Et donc, si tu n'es pas gêné d'Allah et des gens, et tu n'es pas non plus gêné des gens concernant l'accomplissement d'un acte, alors fais-le. C'est qu'il est permis. Fais-le, c'est qu'il est permis. C'est que tu ne ressens pas en toi de gêne. Pourquoi est-ce que tu ne ressens pas de gêne? Parce que tu sais que cet acte, il est licite. Tu ne ressens pas de gêne de faire un acte devant tout le monde à la mosquée. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est licite. S'il était illicite, tu aurais eu une gêne de faire cela devant tout le monde. Et cela est en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'a rapporté l'imam muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an, Al-Ansari call, Sa'altu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, an al-birri wal-ithm, fa call al-birru husnul khuluq, wal-ithmu ma haka fi sadr, wa karihta an yattali alayhi nas. Et donc cela est en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque, dans le recueil de Sahih Muslim, lorsque Nawas ibn Sam'an il l'interroge en disant, ô messager d'Allah, qu'est-ce que la piété et le péché? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam en disant, la piété, husnul khuluq, c'est le bon comportement. Et le péché, c'est ce qui dérange dans la poitrine, ce qui gêne, ce qui gêne, ce qui te gêne, et que tu détestes que les gens soit au courant de cela. Une chose que tu détestes que les gens soient au courant de cela. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Parce que tu sais que tu es blâmé pour cet acte. Et donc cela est en accord avec ce hadith qu'on a vu. Idha lam tastahi fasna meshit. Si tu n'as pas de gêne, alors fais-le. Pourquoi? Parce que c'est halal. Et donc, on a plusieurs significations dans ce hadith. La menace, l'information et la licéité. Et ces trois significations sont correctes. Ces trois significations sont correct. فمن فهم هذا أدرك أن الحياء عليه مدار الإسلام. La personne qui a compris ce qu'on a cité précédemment comprend alors pertinemment que la pudeur est un caractère dont l'islam tourne, la religion musulmane tourne autour de ce caractère, ce qui montre l'importance de ce caractère en islam. Pourquoi? فالمرء فيما يخص الواجبات. L'individu en ce qui concerne les obligations dans la religion, les obligations qu'il t'est ordonné de faire. Alors le croyant, il va être gêné de délaisser ses obligations. Il va donc les faire. Il va être gêné de les délaisser. En ce qui concerne les choses interdites, et donc en ce qui concerne les interdits, le croyant, il va être gêné de les délaisser. Excusez-moi. Les interdits, le croyant va être gêné de les faire, de les accomplir. Il va donc les délaisser. Et en ce qui concerne les éléments moubah, autorisés, licites, et en ce qui concerne les éléments licites, alors il est permis que l'individu le fasse ou le délaisse. Parfois, il peut être gêné de le faire, parfois, il peut être gêné de le délaisser. C'est licite. Et donc, les jugements lié à la jurisprudence islamique vont tourner autour de cela. Al-haya, la pudeur. Est-ce qu'un individu aura de la pudeur pour obéir à son Seigneur et accomplir les interdits? La pudeur pour obéir à son Seigneur et délaisser les interdits, etc. Et donc ce caractère est un caractère très noble. Et nous devons tous nous efforcer afin d'accomplir, afin d'être caractérisés et d'être décrits par ce caractère. Ensuite, la page suivante, la page 64. Babu ma la yustahya min al-haqq litafaqquh fi ad-din. Le chapitre concernant ce dont on n'est pas gêné de la vérité dans la compréhension de la religion. Pour la compréhension de la religion. L'imam al-Bukhari, il nous dit qala hadathana Ismail, qala hadathani Malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haqq. Fahal ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Fakala na'am, idha ra'at al-ma'. L'imam al-Bukhari, il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Ummi Salama, radiallahu anha. Le hadith a été rapporté dans les deux recueils, al-Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh. Ummi Salama, radiallahu anha, qui dit que Ummu Sulaym, radiallahu anha, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle dit, ô messager d'Allah, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Alors est-ce qu'il incombe à la femme de faire le rousl si elle a fait un rêve? فهذا الحديث أشرنا إليه سابقا. Ce hadith, on a fait une ishara, on a abordé, on a légèrement parlé de ce hadith précédemment. وذكرنا قول عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. On a cité la parole de Aïcha lorsqu'elle dit que sont bien les femmes des Ansar. La pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre la religion. وهذا يدل على حرصهن على التفقه في الدين. Et cela montre l'importance et les efforts qu'elles faisaient, ces femmes, pour apprendre la religion. Et lorsqu'elle dit Inna Allah la yastahi min al-haq, certes Allah n'est pas gêné de la vérité. Hal yusafu Allah bil haya? Est-ce que Allah il est décrit par la pudeur? Alors, est-ce que Allah est décrit par la pudeur? Oui ou non? La yastahi, donc on dit là. Non, fi. Yastahi ou la yastahi? Fa yusafu bil haya. Et donc on dit que Allah azza wa jalla on le décrit par la pudeur. طيب فيجب على المؤمن إثبات الحياء لله تبارك وتعالى. Il est obligatoire aux croyants d'affirmer le caractère de la pudeur pour Allah تبارك وتعالى. Allah عز وجل qui dit إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Et certes Allah n'est pas gêné de montrer quelconque exemple, l'exemple d'un moustique ou de quelconque chose au-dessus de cela. أخرج أبو داود في سننه عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله أكبر. أبو داود cite dans son recueil selon Salman que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit certes votre Seigneur est pudique, généreux. Il fait preuve de pudeur quant à son serviteur de lui rendre les mains vides quand celui-ci les lève en l'invoquant. Les savants, ils disent, ce serviteur, il va désobéir à Allah, accomplir des interdits, délaisser des obligations. Et malgré cela, Allah va faire preuve de pudeur quant à lui, quant à ce serviteur désobéissant qui lève les mains de lui rendre vide, c'est-à-dire de ne pas répondre, de ne pas répondre à l'invocation de ce serviteur. Et donc, cela montre la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nuthbitu lahu al-haya. Qala al-mubarak fouri. Al-Mubarak Fouri, il dit en expliquant cela, Hayyun, ay kethirul haya. Allah, il est hayy, il est pudique, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de pudeur. Wa wasfullahi bil haya, yuhmalu ala ma yaliqula, kasairi sifatihi, nu'minu biha wa la nukayyifuha. Le fait de caractériser Allah par la pudeur est compris comme cela il convient. Pour lui. Nous devons le comprendre comme cela convient à Allah tabaraka wa ta'ala, comme les autres attributs d'Allah. Nous y croyons, mais nous ne leur donnons pas de kayfiyya, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à savoir comment ils sont ces attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on dit, on ne demande pas comment Allah il parle, comment Allah s'est établi sur son trône, etc. Et donc on affirme la pudeur pour Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-'allamah ibn Baz rahimahullah mu'alliqan ala Fath al-Bari Ibn Baz, il dit donc en commentaire du livre Fath al-Bari, il dit fa inna Allah yusafu bil haya alladhi yaliqu bihi. Certes, Allah est caractérisé par la pudeur qui lui convient. Wa la yushabihu fihi khalqahu. Et il ne ressemble pas à ses créatures en cela. Kessa irisifati, comme toutes ses caractéristiques. Wa qad warada fi wasfihi bidhalika fi nususin kathira. Et certes, il a été cité avec cette caractéristique dans beaucoup de textes. Fa wajib ithbatuhu bidhalika ala alwajh alladhi yaliq bihi. Et donc il est obligatoire d'affirmer cela à Allah de la façon qui lui convient. Wa hadha qawlu ahli sunnati fi jami'i sifati al-waridati fil kitabi was-sunna as-sahiha. Et ceci est la parole des gens de la sunna. Elle associe la parole des gens de la sunna concernant tous les attributs qui sont affirmés dans le livre et la sunna authentique. Wa hadha tariqun najat. Et ceci est la voie de la réussite. Fatanabbah wahdhar wallahu a'lam. Ensuite le cheikh il dit: alors fais attention et méfie-toi et Allah est plus savant. Fais attention et méfie-toi. Et donc on affirme ce caractère à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite lorsqu'elle dit hal 'ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat, est-il obligatoire à la femme de faire le rousl si elle fait un rêve? Kolen naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit naam idha ra'at il mai, oui si elle voit le liquide. Kolat il ulama in ihtalama al insan rajul aw mar'a wa lam yara al mai fala rousl alayhi li anna al rousl mu'allaq bi ru'yat al mai. Les savants ils ont dit que si l'individu homme ou femme fait un rêve et qu'il ne voit pas le liquide, alors à ce moment-là, il ne lui incombe pas de faire le rousl. La personne se réveille le matin, elle ne voit pas de liquide, il ne lui incombe pas de faire le rousl. Pourquoi? Parce que le rousl est lié au fait de voir le liquide. Il n'est pas lié au fait d'avoir rêvé. Mais il est lié au fait de voir le liquide. Le hadith suivant, toujours dans le même chapitre, à la page 66, il dit wa haddathana Adam, qala haddathana Shu'ba, qala haddathana Muharib ibn Dithar, qala sami'tu ibn Umar yaqul qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mathalul mu'mini kamathali shajaratin khadra la yasqutu waraquha wa la yatahat. L'imam al-Bukhari après il cite un hadith. Dans ce chapitre, il cite trois hadiths. On a vu le premier, maintenant le deuxième. Et donc avec la chaîne de transmission jusqu'à Abdullah ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du croyant est comme celui d'un arbre vert dont ses feuilles ne tombent pas et qui n'est pas touché par l'érosion. » Alors les gens, ils ont dit « C'est tel arbre et c'est tel arbre. » Ils ont cité des arbres. Ibn Umar, il dit, fa'aradtu an akula hiya an-nakhla. Il dit, j'avais envie de dire, c'est le palmier. Wa ana ghulabun shabun fastahyayt. Mais j'étais un jeune à ce moment-là. J'étais un enfant jeune. Alors, j'étais gêné. Je fus gêné. Ka faqala hiya an-nakhla. Le prophète, il a dit, hiya an-nakhla. Le prophète, il a dit, c'est le palmier. Et donc, les gens, ils ont fait des propositions, mais ils se sont trompés. Ibn Omar, il connaissait la bonne réponse, mais il était gêné, alors il s'est tu. Et le prophète, il a dit, c'est le palmier. Ensuite, Al-Bukhari, il continue, il dit, wa an Shu'ba, haddathana Khubayb, ibn Abdirrahman, an Hafs ibn Asim, an ibn Omar, mithlahu wa zed. Et ensuite, il cite une autre chaîne de transmission, jusqu'à Ibn Omar, qui cite le même hadith, mais à la fin, il dit, فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرْ. Alors j'en ai parlé à Omar. J'en ai parlé à mon père, Omar. فَكَالَ لَوْ كُنْتَ كُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. Alors Omar, son père, il lui a dit, si tu l'avais dit, si tu avais parlé, que tu avais dit que c'est le palmier, cela aurait été préférable pour moi que telle ou telle chose. Ici, ça n'a pas été cité. Mais Dans une autre narration, il a été cité que ça a été préférable que Humrun Na'am, des chamelles rousses. Et les chamelles rousses qui sont connues pour leur valeur élevée, qui étaient à l'époque les biens des Arabes qui avaient le plus de valeur. Et jusqu'à aujourd'hui, le prix des chameaux qui est extrêmement élevé. Et donc, Omar il dit, le fait que tu dises cela m'aurait été préférable que ces biens-là. Et donc cela montre, mes frères, l'importance que la gêne ne t'empêche pas d'apprendre ta religion. Parfois, on est ensemble, en cours, comme ici, comme cette assise. Et on se pose des questions. Parfois, je pose des questions. Il y a des frères, ils ont la réponse. Ils ont la réponse, mais ils sont gênés. Ils sont gênés de parler. Il y a des frères, ils pensent avoir la réponse. Je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de lever ma main et de tromper. Et de me tromper. C'est pas grave. On va corriger, Inch'Allah. On va se corriger ensemble, Inch'Allah. On s'entraide, on apprend comme ça. On apprend. Et tu verras que en enlevant cette gêne, et que tu oses lever ta main et parler, tu verras que cela va rester après. Tu vas le retenir. Que tu dises la vérité ou que tu te trompes, tu vas le retenir après. Que telle fois, tu vas même retenir, j'étais assis à tel endroit de la mosquée, quand ça s'est passé, etc. Et donc, il ne faut pas être gêné, particulièrement lorsque tu apprends ta religion. Al-Bukhari, il a cité ce hadith dans ce chapitre. Le fait de ne pas être gêné pour la vérité, lorsqu'on apprend la religion. Wa aidan, hadha al-hadith, عظيم في بيان فضل المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة. Et ce hadith aussi est grandiose quant au fait de montrer les mérites du croyant. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait ressembler le croyant au palmier. Il a fait ressembler le croyant au palmier. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. N'as-tu pas vu comment Allah donne des exemples? Une belle parole, comme un bel arbre, dont ses racines sont fermes, mais ses branches s'étendent dans le ciel et dont ses fruits prospèrent par la volonté de son Seigneur. قالت العلماء كلمة طيبة لا إله إلا الله. Les savants, ils ont dit que une belle parole, la belle parole qui a été citée dans cet exemple, c'est la ilaha illallah. N'as-tu pas vu l'exemple d'une belle parole? La ilaha illallah. Comme un bel arbre. Un nakhla, ils ont dit les savants. Le palmier. Un nakhla. Asluha thabit. Ses racines sont fermes. Ses racines sont fermes, mais ses branches s'étendent dans le ciel. Le savantissime Sa'di, il dit dans l'explication de ce verset, fekedhalika shajaratul iman. Asluha thabitun fi kolbil mu'min. Ilman wa atikadan. وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي يخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره انتهى. Il dit donc, Ibn Sa'di, il dit: de la même façon, l'arbre de la foi dont ses racines sont fermes dans le cœur des croyants, avec la science et la croyance, mais ses branches par des paroles, par de bonnes paroles et des actes pieux, des actes de piété, le bon comportement, les bonnes mœurs, toutes ces bonnes choses s'étendent dans le ciel tout le temps. Elles montent de lui, elles montent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a parmi cela des actions et des paroles qui sont sorties et produites par l'arbre de la foi, qui vont être profitables à cette personne même, mais être profitables aux autres. وفي هذا أيضا أهمية الثبات على الحق فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَوْصُوفٌ بِالثَّبَاتِ مَوْصُوفٌ بِالثَّبَاتِ عَلَى الْإِيمَانِ كَهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا ثَابِتٌ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْمُؤْمِنُ حَسْبَ الْأَحْوَالِ. Et aussi, il y a en cela le fait que le croyant, il est ferme. Il est ferme sur la vérité. Il est décrit comme cela. Et car il est décrit ici avec une foi qui est ferme, tout comme cet arbre dont ses racines sont fermes dans la terre. Le croyant ne va pas changer en fonction de ce qu'il y a autour de lui. Sa foi reste ferme, même si les fitna, les troubles arrivent. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Min al-mu'minin arijel » On a déjà cité ce verset ici. « Min al-mu'minin arijel » Il y a parmi les croyants des hommes. Sadaku ma'ahadullah alayhi. Ils ont été véridiques dans leur engagement envers Allah. Faminhum man qada nahba. Il y a parmi eux ceux qui ont atteint leur limite, c'est-à-dire ils sont morts. Wa minhum man yantadir. Il y a parmi eux certains qui attendent, ils sont encore vivants. Wa ma baddalu tabdila. Et ils n'ont pas changé. Ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes. Les gens commencent à critiquer les musulmans. Certains vont faiblir. Ils vont faiblir. Ah, bah, on va serrer la main maintenant. Malik. Pour ne pas qu'on dise de nous qu'on est dur, etc. On va serrer la main maintenant. Bonjour, madame. Le mois d'après, ça sera la bise. Malik. Il faiblit. Non, le musulman reste ferme. Malgré les troubles qu'il y a autour de lui, il reste ferme sur sa croyance. وَكَذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عُمَرْ فَضَّلَ مِنْ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ أن يتكلم وأن يقول الحق الذي يعلمه ولو كان غلاما شابا. Il y a aussi dans ce hadith le fait que Omar, il a préféré que son fils Abdullah parle et qu'il dise la vérité qu'il connaissait, même si c'était un enfant. Même si c'était un enfant. Ce n'est pas parce que tu n'es pas un grand savant que tu ne peux pas parler et dire la vérité. Dis ce que tu connais. Dis la vérité que tu connais. Montre-la. Il n'y a pas de mal à cela. Ensuite, le dernier hadith qu'a cité l'imam al-Bukhari, il dit « Wa haddathana musaddad, kole haddathana marhum, kole sami'atu thabitan, annahu sami'a anasan radiyallahu anhu yakul, ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam tu'aridu alayhi nafsaha, fekolet » هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياتها ما أقل حياءها؟ فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. Et donc l'imam al-Bukhari, il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui proposant sa propre personne. Elle lui dit, aurais-tu quelconque besoin par rapport à moi? Aurais-tu quelconque besoin vis-à-vis de moi? Fekolat ibnatuhu. La fille de Anes, elle a entendu ça, elle a dit, mais akol la haya'a. Qu'est-ce que cette femme a peu de pudeur? C'est pas, les gens ne sont pas habitués à cela. Une femme qui va elle-même proposer, se propose en mariage. Et là, Anas, il a dit, Hiya khayrun mink. Elle est mieux que toi. Elle est mieux que toi. Elle s'est proposée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette femme, ici, Anas, il lui fait ses éloges parce que elle n'a pas laissé cette fausse pudeur dont on a abordé au premier et au deuxième cours. Elle n'a pas laissé cette fausse pudeur l'empêcher de faire un bien. Quel est ce bien? Se proposer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de tous ces ahadiths qu'on a pu citer dans ce chapitre, le chapitre lié à la pudeur, on comprend clairement l'importance de distinguer entre la pudeur légiférée et la pudeur interdite, ou la pudeur blâmable. Il est important de distinguer entre les deux. De la même façon qu'il ne faut pas confondre la pudeur du Créateur et la pudeur de la créature. Et nous affirmons la pudeur pour le Créateur.